là, ne vois-tu pas que tu perds ton temps? Et toi, qu'attends-tu là? J'admire le soleil qui tourne autour de moi. Je voudrais voir la lune et son visage blanc. Toi, qu'espères-tu là? Crois-tu donc que l'on va?